Éloge de Madame de Sévigné par Aglaé de Bouconville. Il y a bientôt 2 siècles, un jeune roi décida que la France serait le premier pays du monde. Par une autre volonté qu'on pourrait croire divine, à cette même époque, tous les talents, toutes les gloires apparurent, comme pour se rassembler sous l'égide de Louis XIV et jeter sur son règne l'éclat immortel du génie. Qu'est-il besoin de rappeler ici les noms de ces grands hommes dont l'effigie décore l'enceinte où siègent aujourd'hui leurs dignes émules? En venant occuper leur fauteuil, n'ont-ils pas pris le saint engagement de les honorer, de défendre leur doctrine, de les mettre à l'abri de toute invasion étrangère et d'encourager, par leur exemple, quiconque voudrait glaner encore dans le vaste champ de la pensée? Quel gage plus certain de ces nobles dispositions que ce qui se passe en ce moment? Oui, c'est par un retour pieux vers le règne des Bossuet, des Fénelon, des Pascal, des Despréaux et des Molières. C'est en souvenir de tant de richesses de l'intelligence, parvenues jusqu'à nous sans que le temps les ait altérées, que nous nous trouvons appelés, par l'Académie française, à décrire la vie, le caractère et le talent d'une femme placée au milieu de ces talents illustres. La Providence avait doué Madame de Sévigné d'un esprit capable de les comprendre et de les apprécier, d'un cœur et d'une âme fait pour les sentir. Marie de Rabutin, baronne de Chantal, naquit en France le 5 février 1627. Le baron de Chantal, son père, possédait de grands biens et comptait des alliés dans la maison de Bourgogne. À l'époque du siège de La Rochelle, le baron commandait un corps de gentilshommes pour s'opposer à la descente des Anglais dans l'île de Ré. Au milieu du combat, il reçut la mort. En mourant, il laissait une fille au berceau, seule héritière des titres et de la fortune de son père. Cet enfant, riche d'un demi-million, devint à 17 ans la marquise de Sévigné. Monsieur de Sévigné était issu d'une des plus anciennes familles de Bretagne. Allié aux plus grandes maisons de France, le jeune marquis semblait digne de la main de la baronne de Chantal. Tout devait faire croire au bonheur de cette union, formée sous les auspices de la noblesse et de la fortune. Ce bonheur eût été assuré, en effet, si le marquis de Sévigné eût possédé, comme sa jeune épouse, les qualités d'un cœur honnête et pur, si sa légèreté insouciante ne l'eût porté à s'éloigner d'une compagne douce et spirituelle pour se livrer au plaisir d'un monde corrompu, à l'amour frivole et scandaleux d'une courtisane brillante, moins célèbre peut-être par sa beauté et sa folle conduite que par sa vanité insolente à proclamer l'une et afficher l'autre. Ce fut Ninon qui jeta le premier chagrin dans l'âme de Madame de Sévigné, cette première ride du cœur qui ne s'efface jamais. Fatale à Madame de Sévigné, Ninon devait lui causer toutes les douleurs, car, après avoir frappé l'épouse, elle devait affliger la mère. Mais il lui était réservé un malheur plus grand que celui de pleurer sur l'infidélité de son époux. Elle allait bientôt pleurer sa mort imprévue, violente et sans gloire, cette mort où les préjugés ont mêlé l'honneur, comme pour sauver du blâme celui que le sort ou l'adresse ont fait meurtrier. Le marquis de Sévigné fut tué dans un duel. Il n'avait pas 30 ans, il laissait une femme jeune et belle, mère de 2 enfants, et il mourait sans avoir eu le temps de comprendre tous les trésors qu'il abandonnait. La marquise de Sévigné se remit alors sous la tutelle de l'oncle qui l'avait élevé et lui confia de nouveau le soin de diriger sa conduite et de réparer sa fortune, que les désordres du marquis avaient compromise. Pour y parvenir, elle se décida à se retirer du monde et à vivre isolée à sa terre des rochers. Pendant plusieurs années, elle se contenta, pour toute distraction dans sa retraite, de diriger l'éducation de ses enfants et de s'instruire elle-même. Ce fut alors qu'elle recommença ses études avec l'ardeur d'une mère qui sent sa noble mission, qui sait qu'elle doit fortifier sa raison par de sérieuses pensées, pour se rendre digne de protéger, dans la vie, l'être qu'elle a formé. Madame de Sévigné, près de ses enfants, docile aux inspirations de leur mère, s'initia avec eux au secret de cette belle langue d'Horace et de Virgile, que l'on craint de confier à l'esprit des femmes, comme on écarte de leurs membres délicats un fardeau trop pesant. 8 ans après son veuvage, Madame de Sévigné reparut à la cour, dans l'éclat de sa beauté, soutenue par la grâce de son esprit et la douce sévérité de ses principes. Elle y fut entourée d'hommages et de respect. Parmi les hommes dont elle eut à combattre les attaques qu'un sentiment plus vif dirigeait vers elle, on nomme le prince de Conti, l'infortuné Fouquet et un parent qui, son ami d'enfance, devait la protéger et la défendre, et fut celui qui s'irrita davantage de sa vertu. Cet homme voulut la flétrir dans un libelle infâme, mais le coupable Bussy, malheureux et disgracié par Louis XIV, trouva grâce et protection dans le noble cœur qui l'avait offensé. Soit que Madame de Sévigné dût à son union malheureuse ou à sa raison son éloignement pour les folies du cœur, il paraît certain qu'elle fut étrangère toute sa vie aux séductions de l'amour. « L'amour, disait-elle en parlant d'une amie, est un mal que l'on croit incurable et dont la guérison réjouit plus que nul autre. » Mais il était réservé à un autre sentiment de s'établir en maître dans ce cœur qu'on disait insensible, de s'en emparer en despote, d'y développer toutes les sensations pures et nobles. Un enfant devait révéler à Madame de Sévigné tout ce que son âme avait de tendresse, son esprit de force, sa raison de supériorité. Cette femme, qui avait à peine connu sa mère, devait respecter sa fille, elle devait l'adorer, cette femme qui n'avait pas connu l'amour. Dans son cœur, elle retrouvait pour cette fille tous les sentiments purs que le sort lui avait refusés, mais pour la rendre, à son tour, digne du culte qu'elle lui vouait, elle voulut l'élever au niveau de sa passion pour elle. La nature avait doué Mademoiselle de Sévigné d'une beauté remarquable. Sa mère fit plus encore que la nature, elle lui donna des vertus devant lesquelles s'éclipsait sa beauté. Et pourtant, à 15 ans, auprès des femmes brillantes de la cour de Louis XIV, on nommait Mademoiselle de Sévigné la plus jolie fille de France. Rien de si aimable et de si assorti que son esprit et sa personne, disait Madame de Maintenon. Rien de plus vertueux et de plus digne de notre respect que cet objet d'une passion si prodigieuse, disait le duc de Villars. En effet, cette passion de Madame de Sévigné pour sa fille semble tenir du prodige. Mais le cœur d'une mère ne peut-il inventer un amour? N'a-t-il pas son génie poétique pour reculer les limites de la tendresse, aussi bien que le poète a le sien pour reculer les limites de l'art? Qui osera lui demander compte de la route qu'il a suivie, s'il a produit un chef-d'œuvre? Et quel chef-d'œuvre plus beau que la création d'un sentiment? Laissons-la, cette mère heureuse, laissons-la s'abandonner, sans contrainte, à tout ce que lui inspire sa fille si charmante. Laissons sa tendresse se répandre dans sa pensée, s'identifier à son cœur. Laissons-la vivre de son amour. Rien ne doit l'arrêter, car la vertu et le devoir l'invitent à aimer, de toute la puissance de son âme, cet objet de son idolâtrie. Mais, en formant sa fille pour l'aimer, Madame de Sévigné avait oublié qu'une fille est pour sa mère un trésor que Dieu lui confie un temps, pour bientôt la livrer au monde, forte ou faible, selon les vertus qu'elle lui aura données. Dans ce sacrifice commun à toutes les mères, Madame de Sévigné trouva le principe et la cause d'une célébrité à laquelle elle était loin de prétendre. Sa fille est partie, un époux l'a lui enlevée, elle se désole, elle croit mourir de sa douleur, elle parcourt dans tous les sens l'appartement que sa fille a occupé, tous les objets qu'elle voit, qu'elle touche, lui réveillent un souvenir. Tout est pour elle une cause de chagrin. Mais une plume est là, sa main la saisit, toute palpitante de regrets, toute couverte de pleurs. Elle confie ses plaintes et ses larmes à un papier docile, elle écrit, ses pensées, sa plume, son encre, tout vole. Oh, combien elle est loin de croire à ce moment qu'elle fait son premier pas vers l'immortalité. C'est de ce jour, solennel par la douleur qu'il lui avait causée, que Madame de Sévigné se fit la promesse d'écrire à sa fille tout ce qui lui passerait dans sa tête, dans son cœur et même autour d'elle. Femme de la cour de Louis XIV, les événements qui devaient la frapper et l'émouvoir allaient répandre un intérêt puissant sur la correspondance qu'elle promettait à sa fille, et cet intérêt existe au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Mais le plus grand charme de ces lettres si nombreuses, c'est la peinture naïve de son amour, avec ses nuances variées, imprévues, délicieuses. C'est encore une sorte de curiosité qui vous invite à étudier le cœur de cette mère unique, dans l'espérance d'y découvrir un sentiment nouveau. Ainsi, Madame de Sévigné ne met jamais de réserve dans les éloges qu'elle adresse à Madame de Grignan. Jamais la prudence maternelle ne l'arrête. « Je suis toujours charmée, lui dit-elle, de parler de vous à un homme qui vous a vu et admiré. Parez-vous, mirez-vous, c'est tout ce que vous avez à faire. » Quand elle parle de sa beauté, elle est ravie. Quand elle analyse ses vertus, elle est fière. « Votre esprit, lui dit-elle, a les yeux plus grands que ceux de votre tête. » elle estime trop sa fille pour craindre l'effet de ses douces paroles. Il y a, dans son langage, un ton de déférence uni à de si tendres expressions que ce qu'elle peint tient à la fois de l'amitié et de l'amour des anges. On pourrait dire qu'elle gâte sa fille avec dévouement, et jamais la sévérité n'a eu de plus heureux effet que cet excès d'indulgence. Madame de Sévigné a sauvé sa fille de la coquetterie en lui donnant l'habitude de la louange. Digne de cette tendresse, Madame de Grignan était sûre de l'inspirer. Elle en jouissait comme d'un bien qu'elle possédait par droit de naissance. Le cœur de sa mère était son domaine. Elle ne permettait à personne d'y être auprès d'elle. Pourtant, elle n'était point jalouse de la place qu'avait son frère, et n'arrêta jamais Madame de Sévigné dans sa généreuse et indulgente sollicitude pour ce fils si léger, mais à la fois si aimable. Madame de Grignan se contentait de consoler sa mère et de conseiller son frère, qui trouvait alors sa belle comtesse effrayante de raison. En effet, Madame de Grignan, formée à la philosophie de Descartes, avait dans le caractère des nuances de sévérité qui lui donnaient un air de retenue, même dans les sentiments les plus tendres de son cœur. Tandis que Madame de Sévigné, toute expansive, laissait voir dans le sien ce que la prudence même l'obligeait de cacher. Ces dissemblances dans le caractère de la mère et de la fille faisaient dire à Madame de Sévigné « Nous nous sommes un monde nouveau l'une à l'autre. » L'une, renfermée dans sa Provence, gémissait tout bas et souffrait en silence quand un messager de sa mère n'arrivait pas. L'autre, toujours livrée à l'agitation que lui cause l'attente du courrier, non contente de se désoler tout haut s'il ne vient pas à l'heure fixe, ou de se réjouir isolément s'il arrive, court dans le monde, prêter l'oreille aux échos des pensées de sa fille. Les paroles qu'on éparpille autour d'elle vont à son cœur. Elle les recueille comme des fleurs bienfaisantes pour calmer son âme et s'enivrer de leur parfum. Ses amis honoraient sa passion parce qu'ils en estimaient l'objet. Ils comprenaient si bien qu'elle dut être sa seule préoccupation que l'un d'eux disait un jour « Vous voyez bien cette femme-là, elle est toujours en présence de sa fille. » Coulanges ne savait pas faire, par ce seul mot, un si bel éloge de sa cousine. Car si un homme, pour se guider dans la route du bien, doit se croire toujours en présence de son Dieu, une femme, vivant toujours en présence de sa fille, n'est pas obligée à moins de vertu. Madame de Sévigné, pourtant, ne rêvait pas un autre bonheur, pas une autre joie. « J'ai un bien, disait-elle, qui est dans la moelle de mes os. Oui, la tendresse que j'ai pour vous, chère bonne, me semble mêlée avec mon sang. Elle est devenue moi-même. Je la sens comme je le dis. Les amitiés au-delà de celles que j'ai pour vous, ce sont des terres inconnues. « Vous me demandez ce que je fais, dit-elle ailleurs. Je pense continuellement et habituellement à vous. Je vous regrette sans avoir à me reprocher de n'avoir pas goûté tous les moments que j'ai passés avec vous. Je relis vos lettres, je vous écris. J'espère vous revoir, je fais des plans pour y parvenir. Je suis occupé ou amusé de tout ce qui a rapport à vous, de 100 lieues de loin. Je retourne sur le passé, je tremble pour votre santé. La bise me fait une oppression par la crainte qu'elle me donne. Enfin, ma chère enfant, trouvez-vous que je n'ai rien à faire ? Elle n'avait retenu de la philosophie de Descartes qu'elle s'était efforcée de comprendre pour être agréable à sa fille que cette pensée « Je pense, donc j'existe ». Et elle la développait ainsi « Je pense à vous avec tendresse, donc je vous aime. Je pense uniquement à vous, donc je vous aime uniquement. » Puis elle revenait, comme malgré elle, à cette séparation qui blessait son cœur. « Oui, disait-elle, notre séparation me blesse l'âme à toutes les heures du jour, et bien plus que je ne voudrais. À celle de la nuit. Voilà mes sentiments, ils sont simples et sincères. Je ferai un sacrifice à Dieu pour mon salut. » On pourrait croire par ces passages que Madame de Sévigné mettait une sorte de plaisir à livrer exclusivement dans ses lettres tout son cœur à sa fille. Eh bien, ses amis reconnaissaient qu'elle mettait un frein à l'abandon de ses pensées, qu'elle posait des digues au débordement de son cœur. « Je vous cache, et à moi-même, disait-elle, la moitié de la tendresse que j'ai pour vous. Oui, les gens qui désirent mon amitié devraient se contenter que je les aimasse comme j'aime votre portrait. » Voilà le sentiment qui, chaque jour, trouvait sous la plume de Madame de Sévigné des expressions nouvelles pour se peindre. Ce sentiment, qui semblait devoir à lui seul envahir toute son existence, ne l'empêchait pas d'être dévouée au devoir que son rang lui imposait dans le monde, de rester constante à ses liaisons amicales et à ses habitudes studieuses. C'est donc ici le lieu de la considérer sous les rapports de la femme du monde, de la femme placée dans une des plus grandes et des plus brillantes sociétés qui ait existé, société dont le souvenir sera toujours une des gloires de la France, tant que se maintiendra dans son sein le goût des sentiments élevés et délicats et des belles et nobles manières. Suivons donc Madame de Sévigné à la cour ou au milieu de ses amis, mais craignons de la trop séparer de sa fille, car là encore, nous la voyons présente à sa pensée et dominant toujours les actions de sa vie. Il y avait dans le caractère de Madame de Sévigné une élévation de sentiments qui ne le cédait en rien à la vivacité de l'amour qu'elle portait à sa fille. Ajoutons qu'elle unissait à l'amabilité de la femme du monde un commerce d'une douceur extrême dans la vie privée, qualité rare chez les personnes qui jettent un éclat trop brillant dans la société. Simple et digne à la fois, elle s'effaçait toujours dans les occasions où la vanité d'autrui voulait se faire place. Personne ne contestait la supériorité de son esprit, si ce n'était elle-même. Elle s'étonnait de l'admiration qu'elle faisait naître, elle savait gré des moindres services qu'on voulait lui rendre. Le noble sentiment de l'amitié ayant seul le droit de prendre asile dans son cœur, elle répondait avec joie aux témoignages de tendresse et repoussait avec chagrin les preuves d'indifférence. Forte de ce qu'elle pouvait rendre en amitié, elle était effrayée de la haine comme d'une dette qu'elle rejetait parce qu'elle se trouvait sans ressources pour la quitter. Bienveillante et d'un dévouement qui ne connaissait pas la crainte, elle savait braver les susceptibilités des grands et n'eût point reculé même devant la disgrâce pour sauver une victime des ambitieux ou du despotisme. Nous voyons Madame de Sévigné ardente à soulager les chagrins de ses amis, à les soutenir dans leur infortune, à les consoler dans leur disgrâce. Et plus heureuse, nous la voyons jouir de leur bonheur avec cette effusion, cette franchise, qui plus encore que le dévouement, prouvent un cœur étranger à toute envie. Elle ne connaît aucune de ces petites passions qui, sourdes et muettes quelquefois devant les malheurs des autres, se réveillent, souvent ardentes et actives, contre leur bonheur. Madame de Sévigné conserva toute sa vie les amis que la mort ne lui avait point enlevés. L'auteur des Maximes lui fut tendrement attaché. Mesdames de Lafayette, de Coulanges et d'autres femmes distinguées l'aimaient sincèrement. Madame de Maintenon elle-même lui portait une estime profonde. C'était dans son hôtel de Carnavalet, illustré dès son origine par le Phidias français, comme pour rendre ses murailles dignes de l'admirable compagnie qui devait un jour y résumer en quelques personnes le grand siècle tout entier. C'était dans ses salons dorés, sculptés, éblouissants de mille bougies, dont le reflet embellissait encore les femmes les plus belles, les plus brillantes, où Madame de Sévigné paraissait plus éclatante par son esprit que par les diamants et les fleurs qui ornaient sa parure. C'était dans cet hôtel, monument du goût le plus exquis, qu'elle réunissait la cour et la ville, et les hommes de Port-Royal, et les orateurs les plus distingués de la chaire sacrée, et les poètes célèbres qui leur disputaient l'honneur de penser en vers. Là aussi se détachait la grave figure du cardinal de Ré, ce grand coadjuteur qui, à lui seul, était un monde par tout ce qu'il avait touché et renfermé dans sa mémoire. Cet homme que Richelieu avait honoré à 20 ans de l'épithète de dangereux, qui, plus pénétré à cette époque de la grandeur des Romains que des beautés de l'Évangile, eût préféré la place d'un tribun à celle d'un prélat, et qui ne craignit pas, un jour de péril, d'échanger son innocent chapelet contre un séditieux poignard. Ce révolté quittant une conspiration pour un plaisir, ce grand seigneur plus dépensier que César, cet homme jetant sur ses défauts tant d'éclats qu'on n'osait à peine y porter les yeux, protégeant des rois, faisant des papes, livré dans sa jeunesse à toutes les agitations, avec le délire de la passion et l'insouciance du bonheur, et qui, à la fin de sa vie, donna un noble démenti à ses actions passées, en devenant aussi doux qu'il avait été emporté, aussi tranquille qu'il avait été intrigant, aussi rongé qu'il avait été prodigue. Près de lui venait s'asseoir l'auteur des Maximes, ce La Rochefoucauld, jadis son rival, passionné aussi dans sa jeunesse, et devenu comme lui, sage à l'âge du repos. Ce penseur, dès lors assez sûr de l'estime que l'on faisait de son caractère, pour affirmer dans ses écrits que l'amour-propre est le mobile de tout. À côté de ces personnages éminents, se place avec modestie La Fontaine, toujours étonné qu'on l'attende pour écouter ses vers. Puis, ce marquis de Pomenars, comme une ombre éphémère, léger, sautillant au travers de ses procès criminels, et l'aimable Coulanges, qui fredonne tout bas de jolis couplets pour le souper du soir. Mais les battants dorés s'ouvrent, et les voix des laquais annoncent Monsieur de Turenne, Monsieur de Marseille, et crient plus fort « Place à Monsieur le Prince, place à Madame la Duchesse !» Alors, la belle marquise quitte l'entretien d'une femme de cour, ou du sévère Bourdaloue, pour aller à chacun parler son langage, écouter et répondre avec mesure aux grandes puissances qui honorent de leur présence ce salon dont le souvenir doit un jour s'unir à leur gloire. L'aimable Sévigné sait vanter les triomphes des uns sans blesser l'orgueil des autres, et tâche plus difficile encore, elle sait faire valoir les actions et les talents de peu de valeur qui n'ont pour relief que des titres pompeux et des trésors immenses. Son imagination vive et flexible saisit volontiers les agréments de ce grand monde qui la réclame partout où il se trouve. Si elle se rend à la cour, dans le peu d'instants qu'elle y donne, elle voit et sent plus que ceux qui y passent leur vie. Indépendante par sa fortune et par sa position, les ambitieux ne l'y craignent pas, et sa bienveillance l'y fait aimer. Elle revient de Versailles toujours charmée, si le roi ou quelqu'un des siens lui ont parlé, et surtout si l'on s'est occupé de sa fille. Franche et naturelle, Madame de Sévigné était portée à penser bien des autres. Elle honorait les nobles, les dignités, le roi, et disait tout haut « Oui, j'honore la noblesse, oui, j'honore le roi ». Elle ne se rappelait pas sans plaisir un nom illustre dans sa famille et ne voyait pas sans orgueil une sainte en son aïeul. Elle aimait à compter les blasons de son gendre. Elle eût aussi désiré à son petit-fils un beau-père moins riche et moins roturier. Sans doute, voilà, selon nos mœurs, de la faiblesse et de la vanité. Mais reportons-nous au temps de la marquise de Sévigné, et nous verrons un noble orgueil dans ce qui passe aujourd'hui pour un préjugé. La naissance faisait alors la destinée d'un homme. En montrant à une enfant d'où il était venu, on le forçait à voir le but qu'il devait atteindre. L'enfant d'un noble trouvait dans son berceau l'épée et l'honneur de ses ancêtres. Son premier serment était de respecter ses aïeux et d'être dévoué à son roi. La pensée seule d'être parjure à ce serment était un sacrilège. « Périsse !» s'écriait Madame de Sévigné, « périsse tous les infidèles à leur roi !» Ceux qui passent aujourd'hui pour une opinion ou un principe étaient alors un sentiment pieux, et cette même Sévigné, qu'on accuse de mettre à trop prix un compliment du roi, ou d'être trop fière d'un grand ordre accordé à son gendre, cette femme au-dessus de ce vulgaire, qui alors honorait seulement les titres et les faveurs, savait unir dans son estime aux grands dignitaires de l'État les vrais talents sans naissance qui faisaient aussi à ses yeux la gloire de son pays. Mais en même temps, elle partageait sans scrupule l'admiration et l'enthousiasme de l'Europe entière pour cette grandeur éblouissante qui entourait de toutes parts et soutenait la majesté du trône de Louis XIV. Qu'il nous soit permis de nous étonner d'un jugement qu'a porté sur Madame de Sévigné, un homme auquel on doit un monument élevé à la gloire des femmes. Thomas devait-il mettre en doute le goût de Madame de Sévigné pour les grandes choses? Le malheur n'est-il pas une des choses les plus grandes qui puissent toucher le cœur de l'homme? Et qui plus que Madame de Sévigné en a senti la noble impression? Qui, plus qu'elle, a été fidèle à l'infortune des autres? Fouquet, le malheureux Fouquet, abandonné de ceux qui s'étaient dit ses amis quand il était riche et puissant, ne trouva-t-il pas, dans sa disgrâce, un courageux défenseur en cette femme qui ne lui avait demandé que son estime pour avoir refusé son amour? Et si, après le malheur, il reste à nommer quelque chose de grand encore sur la terre, ce sont sans doute les productions élevées de l'intelligence. Eh bien, ne voit-on pas Madame de Sévigné, toute pénétrée des hauts et grands sentiments, rester constante à sa vieille admiration pour Corneille, et ne pouvoir descendre à des impressions moins élevées, se refuser à accueillir, malgré leur faveur, quelques ouvrages nouveaux, qui éblouissaient des yeux moins pénétrants que les siens? Certes, la générosité de l'âme, l'élévation de l'esprit et la droiture du cœur ne seront jamais considérées comme de petites choses. Eh bien, qu'on lise avec attention les lettres de Madame de Sévigné et l'on verra qu'elles sont aussi fécondes en témoignages de son saint respect pour les grandes pensées et les grandes actions qu'en expression brûlante de son chaste amour pour sa fille. Rappellerons-nous une autre opinion, non moins extraordinaire sur cette mère parfaite. On a dit quelque part que Madame de Sévigné n'aimait pas sa fille. Le docteur Gall, fort d'une science nouvelle accueillie avec cette faveur qu'on accorde trop souvent aux idées paradoxales, vint, dans un jour d'erreur, donner un nouveau poids à ce blasphème. Ah, célèbre docteur, le saint amour de Madame de Sévigné n'avait eu pour asile que son cœur. Cet amour s'y était fait une place secrète, d'où les impressions ne sortaient pas pour aller se graver au siège des passions folles et désordonnées. Arrêtez-vous, savant, devant les secrets d'un amour que Dieu a placé au cœur des femmes, comme pour les consoler des souffrances qui en émanent. Il ne vous est pas plus permis de le juger qu'il ne vous est donné de le sentir. Madame de Sévigné avait fait son entrée dans le monde, le plus éblouissant, à une époque où les erreurs et les fautes mêmes se dérobaient sous un air de dignité, où le vice déguisé en faiblesse perdait de son horreur, où les écueils étaient cachés sous de nobles séductions. Mais en créant cette femme si tendre, si accessible à toutes les impressions, Dieu, par une faveur toute spéciale, lui avait donné pour se défendre les deux amours qui seuls conduisent à la vertu et jamais au regret, l'amour maternel et l'amour de l'étude. L'un occupa son cœur tout entier et lui rendit la vertu facile. L'autre, en meublant sa tête, la sauva de l'ennui. L'ennui, ce poison qui flétrit tant de belles existences, Madame de Sévigné l'eût rencontré peut-être à la cour même, si elle n'eût préféré aux fêtes de Versailles une soirée pressée près des Nicoles, des Bossuets et des Boileaux. Nous l'entendons s'écrier toute pénétrée d'admiration après une lecture de l'art poétique. « Je suis ravi, je suis enivré des belles pensées et de la philosophie de ce chef-d'œuvre. » Les pensées fortes avaient plus de puissance sur son esprit que l'harmonie des vers sur son âme, toute vibrante, d'une autre harmonie. Elle plaçait Corneille au-dessus de tous les auteurs dramatiques. « Vive notre bon ami, disait-elle, c'est le bon goût, tenons-nous-y. » Et Bourdaloue, tonnant de toute la force de sa logique et de sa sévère morale, est l'orateur qu'elle préfère. « Rien ne peut vous consoler, dit-elle à sa fille, d'avoir perdu les sermons de Bourdaloue, que de n'en avoir point entendu du tout. » Elle écoutait Bourdaloue avec un recueillement qui la plongeait dans des extases. Elle savait élever son âme aux grandes pensées du salut, comme elle aimait à livrer son cœur aux impressions des sentiments les plus délicats. Madame de Sévigné avait autant de haute raison dans les questions graves que de grâce dans les choses légères. Elle unissait la sensibilité d'une faible femme à la philosophie d'un être fort. « Je lis, dit-elle à sa fille, je lis les essais de morale de Nicole, avec un plaisir qui m'enlève. Quelquefois, pour me divertir, je passe aux petites lettres. Et quelles sont ces petites lettres? Les provinciales! Peut-on assez admirer une femme dont l'esprit est disposé de manière à s'exalter à la lecture de Nicole et à se reposer en lisant Pascal, à méditer Corneille et Bourdaloue et à préférer une soirée de Boileau aux fêtes de la cour et de la cour de Louis XIV? N'est-ce pas assez de bon goût et de grand savoir pour lui pardonner un peu de tiédeur pour Racine? Et même, cette faute de goût tant reprochée, en cherchant la cause, on peut la trouver dans son cœur. C'est à son amour maternel à nous rendre compte de cette injustice. Madame de Sévigné, dominée par l'effroi que lui causait la passion de son fils pour l'actrice que le poète rendait si belle, qu'elle craignait que Sévigné n'en perdît son peu de raison, tout entière à ses craintes, elle n'a pas le temps de regarder l'œuvre, elle n'en voit que l'effet. Elle ne peut trouver Bajazet une pièce bonne, tant qu'une Roxane y sera dangereuse pour son fils. C'est en haine de cette belle fille-là, comme elle l'appelle, qu'elle ne veut pas reconnaître le génie de Racine. Mais quand le poète, pour représenter Esther, prend pour organe les chastes filles de Saint-Cyr, la femme d'esprit reparaît. La femme sensible aux beautés poétiques s'émeut et s'écrie « Tout est sublime, tout est touchant dans cette œuvre admirable. » Oui, dit-elle au roi, « Oui, sire, ce que je sens est au-dessus des paroles. » Est-ce donc là manquer de goût? Est-ce donc là mépriser Racine et ne pas sentir son chef-d'œuvre? Madame de Sévigné, nous l'avons vu, reçut avec la vie les avantages de la naissance et de la fortune. La Providence ajouta à ces deux bienfaits en lui donnant un noble cœur et un esprit élevé. L'étude développa de bonne heure en elle ces qualités inappréciables. L'étude, dans un autre temps, eût fait peut-être de Madame de Sévigné une femme savante ou une femme auteur. Mais d'autres intérêts, d'autres soins que celui de marcher par l'esprit à la gloire, s'étaient emparés de toute sa vie. Ses qualités, ses vertus, eussent, à défaut de son talent, suffi sans doute pour l'illustrer. Mais puisque c'est à ce talent qu'elle doit son immortalité, essayons d'en indiquer la nature et le caractère, d'en faire connaître la source et d'en mesurer l'étendue. Des esprits peu disposés à la bienveillance pour la renommée d'autrui se sont étonnés de ce qu'un livre, qui n'est pas un ouvrage, ait pu placer Madame de Sévigné au rang des premiers écrivains. Ils ont fait observer que le style épistolaire n'offre en lui-même, dans sa plus grande perfection, que le produit des penchements libres et spontanés du cœur et de l'esprit, que ce genre d'écrit, qui exclut toute combinaison, tout travail raisonné, ne pouvait prendre rang en littérature, comme les travaux de la pensée dirigés par des règles et des méthodes spéciales. Mais si, en effet, un recueil de lettres, écrites sous la seule influence de sensations diverses, n'est pas un ouvrage composé d'après un plan arrêté, il est, par cela même, quelque chose de plus étendu. Il ne forme pas un genre, il fait plus, il les renferme tous. Ici, la pensée est dégagée de toutes les entraves qui ailleurs gênent son essor. C'est l'imprévu qui crée ce genre d'écrit. Là, l'imagination peut à loisir enfanter tous ses prestiges. Le sentiment s'abandonner à toutes ses impressions, l'esprit se livrer ou s'arrêter à son gré sur tout ce qu'il peut atteindre. Tour à tour grave ou léger, profond ou futile, passionné ou calme, celui qui tient la plume peut prendre tous les tons, revêtir toutes les formes, retracer toutes les nuances. Il peut s'élever à la plus haute éloquence, descendre au ton le plus humble, choisir l'expression la plus pittoresque ou la plus simple, sans jamais déroger. Il est maître de porter dans le cœur auquel il s'adresse la joie, la tristesse, la folie, la raison. C'est cette variété délicieuse qui fera à jamais le charme de la lecture des lettres de Madame de Sévigné. Finesse, légèreté, sentiments tendres, pensées philosophiques et profondes, tout ce que l'esprit peut inspirer, tout ce que le cœur peut sentir, se trouve réuni dans ces lettres, écrites au milieu d'un monde qui se présente à elle sous tant d'aspects différents. Elles sont comme les mosaïques dont chaque pierre, prise à part, est de peu de valeur, mais où les morceaux, rapprochés et combinés habilement, forment un ensemble précieux. Nul n'a pratiqué avec plus de succès la maxime de Boileau qu'elle aimait tant. Nul ne passe plus aisément du grave au doux, du plaisant au sévère. Les mots pittoresques tombent de sa plume comme les fleurs d'un arbre surchargé dont il faut secouer les branches pour les empêcher de rompre. Les récits de tout genre se pressent sans se confondre. Chaque page vous fait éprouver une sensation nouvelle. La tristesse qui vous saisit à un récit tragique disparaît à l'aide d'une anecdote légère. Elle a des mots d'une simplicité sublime pour peindre un grand événement, et des phrases habillées pour dire des riens. Elle traite ses sujets en habile artiste qui s'est déguisé sous des plis onduleux les formes défectueuses d'un modèle, et laisser à nu la nature quand elle est pure et belle. Veut-elle décrire une grande catastrophe? Son âme s'émeut et s'élève de toute l'importance du fait qu'elle va raconter. « Je vois, dit-elle, je vois ce canon qui a tué Turenne. Je le vois chargé de toute éternité, et je n'y trouve rien de funeste pour lui. Il meurt au milieu de la gloire. Sa réputation ne pouvait plus augmenter. » Il jouissait dans ce moment du plaisir de voir retirer les ennemis. Quelquefois, à force de vivre, l'étoile pâlit. Il est plus sûr de couper dans le vif, principalement pour les héros dont les actions sont si observées. Et quand elle s'écrit sur Louvois qui vient de succomber, « Le voilà donc mort, cet homme si considérable, qui tenait une si grande place, dont le moi était si étendu. » Quel portrait dans un mot, quelle biographie dans une expression, n'est-ce pas là du sublime? Voltaire a dit que Madame de Sévigné savait seulement raconter des bagatelles avec grâce. Croyons que le grand homme avait glissé bien légèrement sur les pages admirables qu'elle a tracées. Mais Voltaire ne lui pardonnait pas d'avoir répété que Racine avait bien de l'esprit. Pauvre éloge, en effet, aux yeux de Voltaire lui-même, dans un temps où déjà l'on ne craignait pas de le prodiguer. Mais au siècle de Madame de Sévigné, l'esprit était assez en honneur pour que l'on pût en reconnaître à l'homme de génie sans qu'il songeât à se blesser. Et d'ailleurs, comment peut-on supposer que Madame de Sévigné eût voulu faire une injure en prêtant à un autre la qualité dont elle était elle-même si abondamment pourvue? Ne jette-t-elle pas de l'esprit à pleine main sur tout ce qu'elle décrit? Il est vrai, cependant, que ces récits ne bouleversent ni l'âme ni la pensée. Les principaux personnages qu'elle met en scène sont honnêtes, doux, spirituels et de bonne maison. Ils ont des talents, de la gaieté. Ils ne sont ni bizarres ni dévorés de passions haineuses. Leur cœur bat et ne se brise pas. Ils ne sentent pas le poids d'un air qui les étouffe. Ils respirent à l'aise, apprécient leur siècle et ne se croient pas incompris. Les événements qui leur arrivent sont naturels et simples. L'amitié, à elle seule, jette sa chaleur bienfaisante et douce sur l'œuvre de Madame de Sévigné et fait éprouver au lecteur un ravissement qui le captive et le conduit du premier mot au dernier sans s'affaiblir un instant. Historien original, inspirée au jour le jour, elle voit, elle sent, elle raconte des faits d'après ses émotions, sans chercher à embellir les uns ni à forcer les autres. Intègre sans effort, animée sans passion, elle réunit les qualités les plus rares dans l'historien. Elle fait des portraits frappants de vérité, sans vouloir peindre personne dans l'intention d'enlaidir ou de flatter. Et pour rendre ses tableaux encore plus naturels, elle y pose elle-même. Et comme armée d'une baguette magique, elle nous fait passer en revue les héros, les événements, elle nous dévoile tout le siècle de Louis XIV. Sans doute, avec tant de puissance, tant d'élévation, on pourrait dire tant de bonne foi dans son talent, Madame de Sévigné n'emprunta rien volontairement à l'esprit des autres, mais à son insu, les intelligences élevées qui l'entouraient fortifièrent et formèrent, de concert avec la nature, la femme supérieure qui devait un jour soutenir un parallèle avec l'un des grands poètes de son temps. La Fontaine et Madame de Sévigné, n'écoutant que leurs naïves inspirations, marchaient de concert à la gloire, l'une sans le savoir, l'autre sans oser y prétendre. Et quoi? Pour rencontrer la gloire, faudrait-il donc s'abstenir d'aller au-devant d'elle? Nous ne le pensons pas. Mais nulle femme aujourd'hui ne peut réunir les conditions auxquelles Madame de Sévigné a dû la sienne. La femme d'esprit du siècle de Louis XIV n'avait qu'à raconter ce qui se passait sous ses yeux. Plus ses récits étaient vrais, plus ils étaient de bon goût, plus sa mémoire était fidèle à tout retenir, plus elle enrichissait sa pensée. La femme de notre époque, avant de redire ce qu'elle entend ou ce qu'elle observe, doit choisir ce qu'il faut qu'elle paraisse connaître. Tout ce qui frappe ses sens ne doit pas toujours prendre place dans son cœur. L'une pouvait n'avoir que de la sensibilité, l'autre doit avoir de la raison. Les égarements de l'esprit n'étaient pas communs dans un temps où il n'y avait qu'une route estimée noble pour la pensée. Aujourd'hui, des chemins tracés au hasard sont ouverts à l'inexpérience. Comment une femme y marchera-t-elle sans s'égarer? Où sont les penseurs et les poètes qui ne dédaigneront pas de lui donner la main? Et pourtant, à notre époque, les femmes ne sont pas moins portées à l'étude qu'au siècle de Madame de Sévigné. Les sentiments, dans leur cœur, y ont autant de force et de puissance. Ne les voyons-nous pas aborder avec courage les travaux de l'esprit et s'élever jusqu'aux difficultés dans les arts? Nos larmes arrosent, sur les degrés du trône, l'image d'une noble et digne émule de Praxitèle, et, en descendant vers les régions obscures de la société, nous y trouvons des femmes que leurs efforts élèvent à la célébrité. Mais la gloire littéraire tout exceptionnelle accordée, depuis des siècles, à l'œuvre de Madame de Sévigné, malgré tous les caprices où s'est abandonné l'esprit, prouve que cette œuvre possède une puissance morale qui parle plus haut aux hommes que le charme du style et l'intérêt de l'histoire. Oui, à l'admiration que son talent inspire, vient se joindre encore un tendre sentiment pour sa personne. On a si bien vu Madame de Sévigné à travers les pages qu'elle a tracées, on a tant désiré identifier son âme à la sienne, qu'arrivée à la dernière de ses intéressantes lettres, lorsqu'on apprend que c'est bien la dernière qu'elle écrira, on se sent froid au cœur. On est accablé de ce décret de Dieu qui frappe auprès de sa fille la plus dévouée des mères. On voit sa fille errante, désolée, on la voit parcourir son royal château au milieu du silence terrible de la mort. Elle y cherche en vain sa mère absente. C'est en vain qu'on lui redit ces paroles de Bossuet. Il me reste l'espérance de la rejoindre dans l'éternité. Sa trop juste douleur n'a pas même la force de demander du secours à Dieu. Mais pour vous consoler, belle et noble femme, vous qui trouviez votre admiration un bien faible hommage à déposer sur le tombeau de votre mère, voyez au loin l'auréole de gloire que les siècles y vont tracer. Voyez cette immortalité que votre amour lui a créée sur la terre. Voyez son œuvre vous honorer toutes deux et vous unir après sa mort comme vous l'étiez pendant sa vie. Séchez vos pleurs. Vivez du souvenir de ses vertus. Vivez pour donner à votre tour l'exemple de l'amour maternel et prouver à tous que vous étiez digne de l'amour de votre mère, puisque vous étiez capable de mourir de douleur en perdant votre fils. Et nous, qui avons cherché à comprendre tant de vertus réunies, osons affirmer que la gloire de Madame de Sévigné n'est pas de celles qui doivent perdre de leur éclat. N'est-ce pas, Madame de Sévigné, d'abord, que l'Académie française a décerné sa couronne en offrant un prix à l'éloge le moins indigne d'elle? N'est-elle pas à jamais élevée au rang des femmes célèbres, celle que le premier corps littéraire a posée lui-même sur un piédestal auprès des hommes qui ont des droits à son admiration? Non, rien ne peut être ajouté à un si beau triomphe. Ainsi s'achève Éloge de Madame Sévigné par Madame Achille Comte, nom de plume d'Aglaé de Bouconville.